Je n'ai pas le temps, si tu savais. Je n'ai pas le temps, si tu savais. Pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Je n'ai pas le temps, j'ai tenu bon. Tu m'avais dit la partie terminée pour de bon. D'un bond, je me suis relevé. Le temps d'une passade amoureuse, chaleureuse, les embrassades devenues pieuses. Et je suis un moine sur la colline. Je cogite et je prie à rien de mieux dans cette vie de chien. Non, rien de mieux. Je n'ai pas le temps, tu as libéré les âmes moribondes qui hantaient mes nuits. Et la vie est une suite arithmétique. Et le temps, l'infini qui nous rend si fébriles. Oui, la vie est une suite arithmétique. Et le temps, l'infini. Mais j'ai appris que tu avais quelqu'un dans ta vie. C'est bien malin, celui qui nous dira comment tout ça se finira. En queue de poisson ou pas le temps d'avoir une histoire avec toi. Non, je n'ai pas le temps pour toi. Pas le temps. Je n'ai pas le temps, mes journées sont vides de sens. On est pleine de ces petits choses dont je n'arrive plus à me passer. Une forteresse d'avidité, de cupidité que j'ai bâti sur les ruines de ma lâcheté. Je suis stupide, je le sais. Et mon emploi du temps me dit que je ne voudrais pas te voir ni demain ni le mois prochain. D'ici là, tu auras un homme dans ta vie. Ça sera bien, tu verras. La fée clochette te dira tout bas. Prends ton temps, tout simplement. Prends ton temps.